toi comme tu l'as fait pour moi. Avant que mon cœur s'éteigne, prends le dessus sur tes peines. Sache que de là-haut, je ne cesserai pas de t'aimer. Pour toi j'ai tout donné, même ce que je n'avais pas. Et je t'ai là maman, fais-le pour moi. Bébé je t'ai promis ciel et terre, je l'ai fait. Tu voulais que tes rêves soient réalité, moi je l'ai fait. Qu'être honoré devant ta famille, moi je l'ai fait. Tu voulais que je fasse briller tes yeux avant de m'en aller. Soit réalité, moi je l'ai fait. Qu'être honoré devant